super. C'est Oli. O-L-I. Oui. La Bibli des petits. Je suis pas petit, je suis grand. Bonjour, je suis Barbara Carlotti et je vais vous raconter l'histoire de Tête d'œuf et le voyage au royaume des rêves. Il était une fois, ou deux, ou trois, et sans doute plus que mille, une petite fille nommée Vivi et un petit garçon nommé Harry, de 4 ans son cadet, qui n'avait plus du tout envie de dormir le soir quand la nuit tombait. Depuis quelques semaines, Vivi et Harry gardaient leurs yeux grands ouverts dans le noir, écoutaient les sons environnants, pas qui rangeait la vaisselle, ma qui lui parlait, et le bruit du vent qui soufflait dans les arbres. Vivi et Harry, alors, se relevaient et descendaient les escaliers de la maison pour retrouver Paema encore éveillée. Mais Paema se fâchait de les voir encore debout à cette heure-ci. « Vivi, Harry, allez au lit !» disait-il. « Demain, vous ne pourrez pas vous lever pour l'école. » Et quand ils remontaient dans leur chambre, Vivi et Harry pleuraient de grosses larmes de crocodile. C'est que les deux enfants préféraient aller dans leur jardin chéri plutôt que de se rendre à l'école. Ils adoraient leurs petits lopins de terre qui bordaient leur maison, les fleurs, les salades, les pommes de terre qu'ils regardaient pousser dans le potager, les cailloux aux formes étranges dont ils faisaient collection et auxquels ils donnaient des noms. Ils aimaient courir partout, faire de la balançoire, du vélo, rendre visite au cheval crin-crin dans le pré d'à côté ou aux poules pic-pic dans le poulailler pour leur donner des grains de blé. Aussi, quand venait l'heure de dormir, ils sentaient l'irrépressible envie de faire un petit tour dehors. Un soir de printemps, Paema les avait couchés avant d'éteindre la lumière. Dans le noir, Vivi et Harry écoutaient les sons voyager jusqu'à leurs petites oreilles. Mais le sommeil ne pointait toujours pas le bout de son nez. C'était la veille de Pâques et chacun dans son petit lit, écarquillant les yeux, regardait l'obscurité. Leurs petites jambes les démangeaient et encore une fois, comme tant d'autres, ils gigotaient. Leurs mains dessinaient des formes au-dessus de leur tête et l'envie les chatouillait plus que jamais de descendre voir Paema. Quand soudain, dans l'ombre de la chambre au volet fermé, au-dessus de leur lit, une forme lumineuse apparut. Ce n'était pas un carré ni un triangle, ce n'était pas vraiment un rond. Ça ressemblait comme deux gouttes d'eau à un œuf, ou plus précisément, à bien y regarder, une tête d'œuf. Un bel œuf brillant, tel qu'ils en voyaient parfois au poulailler, mais avec deux yeux, un petit nez et une bouche, une tête d'œuf en apesanteur qui brillait d'une lumière dorée. Ils n'avaient jamais rien vu de pareil. Des avions ou des oiseaux qui volaient, oui, un cerf-volant, certainement, mais une tête d'œuf volante, ça n'est pas courant. Vivi tourna la tête vers son frère. « Harry, tu vois ce que je vois ?» Harry répondit à sa sœur en murmurant pour ne pas effrayer l'apparition. « La tête d'œuf ? Ouif !» dit doucement Vivi. Et à ce moment précis, l'œuf fit un petit son aigu. Et il se mit à sourire. La lumière qui émanait de sa coquille prit une couleur de sourire, elle aussi, un beau blanc scintillant. Tête d'œuf, sachant qu'elle était visible, s'adressa aux enfants. « Bonsoir les mômes, je m'appelle Ballon Neuf, je suis aussi légère qu'un ballon et ovale comme un œuf. » Vivi, qui commençait à se demander si elle ne rêvait pas, la questionna. « Est-ce que tu existes vraiment ?»« Ça n'a aucune importance. » répondit Ballon Neuf. « Je suis venu pour vous emmener en voyage. N'avez-vous pas envie de faire un tour ?»« On voudrait bien, mais on n'a pas le droit. » répondit tristement Harry. « Paema vont nous gronder si on sort quand tout le monde dort. » ajouta Vivi. « Oh, mais ne vous inquiétez pas. Vous ne sortirez pas vraiment, disons, que vos petits corps vont rester là, bien au chaud dans vos lits, et que je ferai voyager vos esprits. Nos esprits ? Demandèrent Harry et Vivi en cœur. C'est comme vos pensées. Vivi et Harry se creusaient la tête, mais ils ne comprenaient vraiment pas comment c'était possible. C'est simple comme bonjour. Regardez-moi et faites comme moi. Ballon Neuf prit alors une grande inspiration sonore par le nez. Et sa tête se mit à grossir, grossir, grossir, si bien qu'elle occupait maintenant tout l'espace entre les deux lits. Puis elle souffla tout l'air qu'elle avait pris par la bouche. Les yeux de Vivi et Harry étaient devenus tout ronds d'étonnement. Mais ils suivaient les mouvements et la respiration de Ballon Neuf qui grandissait quand elle inspirait et rétrécissait quand elle soufflait un vent doux et chaud qui avait l'odeur sucrée de la barbe à papa. À mesure qu'elle changeait de taille, elle changeait de couleur. Le blanc scintillant se colorait d'une très jolie teinte rose bonbon. C'était un magnifique spectacle. Au bout de 50 secondes, équivalent à 5 respirations, Vivi et Harry se sentirent s'enfoncer dans leur matelas, hypnotisés par le changement de couleur et de taille de Ballon Neuf. Maintenant, vous êtes prêts pour le grand voyage au royaume des rêves, fit Ballon Neuf. Et Vivi et Harry se mirent à bâiller et bâiller encore. Ouah. Ballon Neuf devint si grande qu'elle occupait maintenant toute la chambre. Les deux lits des enfants flottaient eux aussi dans la tête d'œuf. Les fenêtres s'ouvrirent comme par magie, comme les portes d'un grand château. Et Ballon Neuf sortit de la chambre en s'étalant comme un tapis volant, emportant dans son halo rose les deux lits et les enfants ébahis. Ils entendaient toujours sa voix, tandis que baignés de lumière, ils survolaient leur petit jardin adoré. Vivi, Harry, mes petits, vous voyagez maintenant au royaume des rêves. Tout endormi que vous êtes au fond de vos lits, vos pensées, votre imagination sont ici des vaisseaux spatiaux qui peuvent vous emmener partout et transformer le monde. Vous volez au-dessus du jardin, vous pouvez toucher ce grand nuage à côté de nous et même en manger un morceau. Je vous conseille d'y goûter, c'est très bon. De leurs petites mains tremblantes, ils prirent deux poignées de nuages argentés et léchèrent la texture mousseuse comme de la mousse de lait. Miam, miam, miam, miam, miam, s'écria Harry en s'empiffrant. Ballon Neuf rit de bon cœur et ajouta. Le royaume des rêves, c'est ce très bel endroit de pensée dans vos têtes dont les portes s'ouvrent quand le sommeil vous gagne. Quand vous poussez les portes du sommeil, formulez un, deux ou trois vœux. Tout ce que vous avez envie de faire, la nuit pourra vous l'apporter, avec des surprises en plus. Vivi se mit à penser. J'aimerais beaucoup faire pousser une corne sur le front du cheval Crin-Crin et des ailes dans son dos pour qu'il se transforme en licorne. Je pourrais m'envoler dans les airs avec lui. Et tandis qu'elle formulait ce souhait, elle était déjà sur le dos de la licorne à tournoyer dans le ciel nocturne en envoyant des bouts de nuages comme des boules de neige à son petit frère. Harry, pour s'échapper, glissa sur un arc-en-ciel toboggan et se mit à jongler avec des gouttes de pluie dont chaque rebond faisait un son de bulles magiques qui dansent, une belle petite musique qui enchantait leurs oreilles. Mes chéris, mes chéris. La voix chantante de Ma semblait se mélanger à la jolie musique de gouttes. Il est l'heure de se lever pour aller à l'école. Vivi et Harry ouvrirent leurs paupières, tout étonnés d'être de retour dans leur chambre. Avez-vous bien dormi ? Demanda Ma en les embrassant. Et avant qu'ils puissent répondre, Pa passa sa tête dans l'embrasure de la porte. Bravo, je suis fier de vous. Hier, vous vous êtes endormis comme des anges. Vivi et Harry s'exclamèrent d'une seule et même voix. « Vous savez qu'on peut faire du toboggan sur un arc-en-ciel ?»« Mais qu'est-ce qui vous a dit ça ?» demanda Pa. « C'est Ballon Neuf !» s'exclama Harry. « Ballon Neuf, la tête d'œuf !» précisa Vivi. « Oh, mais je vois que vous avez fait de beaux rêves !» leur répondit Ma. Les cloches sont passées cette nuit. Vous pourrez partir à la chasse aux œufs dans le jardin après l'école. Et depuis ce jour, Vivi et Harry montent avec entrain se coucher après le dîner et se blottissent bien vite dans leur lit douillet pour pousser les portes du sommeil et accéder au royaume des rêves. Et voilà, l'histoire est finie. Et maintenant, au lit. Non, une autre. Au lit, c'est aussi une collection de livres illustrés à retrouver en librairie.